C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. De vous retrouver, quel bonheur de pouvoir partager tous ces livres que l'on a lus pendant l'été et puis aussi eh bien, ceux de la rentrée littéraire, parce que c'est ça le vrai bonheur de la rentrée après des vacances bien méritées. On traîne un peu des pieds quand il faut rentrer et puis, bonheur suprême, il y a des tas de nouveaux ouvrages dans les librairies, dans les bibliothèques, les excellentes bibliothèques type celle de Floride-les-Aubrais. Et donc, nous revoilà avec vous, fidèles au poste, avec Eliane. Salut Eliane. Bonjour Irène, bonjour tout le monde, bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Et bonjour, bien sûr, nos deux Jean-Pierre, également fidèles. Alors, ces lectures... Bonjour, bonjour. Oh, j'ai pas arrêté. Comme il faisait très chaud, j'étais dans la pénombre et j'ai lu plein de livres. Mais beaucoup trop de romans policiers. Ah, mais c'est ta spécialité, on le sait que toi, tu aimes le gore, le trash, le sanglant. Mais il n'empêche que j'ai lu deux ou trois petites perles que tu nous présenteras. Ben non, parce que tu en as déjà présenté une. Ah, oh, mais alors ce livre dont tu nous avais parlé en juin, qui s'appelle « Changer ou des fleurs », c'est... un bijou, vraiment. Tu confirmes que c'est vraiment... C'est très, très, très bien. Ouais. Alors, moi, je me suis régalée et c'est vrai qu'on a envie de partager livres comme ça. C'est vrai, lorsque je dis, tu peux le lire, cette femme, elle est gardienne de cimetière. Les gens me font une drôle de tête. Oui, je dis, mais je vous assure, c'est j'ai fait la même quand on me l'a proposé. Et qu'est-ce que je vais lire un truc, une gardienne de cimetière. Et en fait, c'est génial. Ah oui, vraiment, vraiment. Tu l'as pas encore lu, toi, Jean-Pierre? Non. Ah, mais il faut que tu le lises. Ah, c'est, mais j'aime pas, moi, qu'on me donne des ordres comme ça. Tu vois, il n'a pas changé. Alors, je vais reformuler. Après les vacances. Tu devrais le lire, tu verras, c'est un plaisir. Oui. C'est un vrai régal. Donc, tu as fait le plein pour présenter des tas de super bouquins. Et puis, on ira plonger aussi dans les nouveautés. Dans les nouveautés, dans les livres de la rentrée littéraire. Et d'ailleurs, petite nouveauté, nous aurons à l'antenne, dans les semaines à venir, des bibliothécaires qui viendront. Alors, la semaine prochaine, je vous le donne, c'est un scoop en avant-première, c'est Olivia de la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui viendra proposer ce qui, pour les bibliothécaires de Saint-Jean, représente les plaisirs de la rentrée. D'accord. Et puis, 15 jours après, c'est Martine que nous retrouverons de l'excellente bibliothèque de Floride-les-Aubrais, la bibliothèque Les Jacobins, qui viendra nous proposer la sélection faite par les bibliothécaires. Pourvu que ce ne soit pas la même sélection. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature et on peut être étonné, mais c'est pas forcément les mêmes. Donc, on pourra comparer. Et toi, Jean-Pierre, alors, tu as fait le plein aussi? Bah oui, moi, j'en ai profité pour liquider tous les livres que j'aime pas, parce qu'ils sont tous tombés là, en début. Comment ça, de... Comment ça, tous les livres que tu aimes pas? Jusqu'à fin mi-août, j'ai pas fini un seul livre. Ah, oh, dur. Ah oui. C'est terrible. Ah, et puis, il y a qu'en arrivant sur la fin août que j'ai commencé à retrouver des livres qui me plaisaient. D'accord. Ah, Dieu merci, ça, voilà. C'est... Ça s'est arrangé, alors. Bon, oui, enfin, bon, de toute façon, Parce qu'il est vrai qu'il ne faut jamais se forcer en lecture. Moi, je ne lis jamais plus l'été que... Je lis plutôt moins l'été. Oui, tu as d'autres choses à faire. Oui. Autrement, j'ai lu les horaires de la SNCF, j'ai lu plein de choses les comme ça. Les horaires d'avion. Oui, surtout, ça ne changeait pas trop souvent. Bah, c'est surtout qu'on ne peut pas trop s'y fier. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, il y aura aussi une nouveauté cette année, c'est qu'on présentera régulièrement des classiques. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, on s'attache à lire les livres qui sortent ou ceux qui sont sortis il y a peu de temps, mais c'est bien de temps en temps de revenir sur les classiques, de relire nos classiques. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, Jean-Pierre, moi, longtemps, je n'osais pas arrêter un livre que j'avais commencé. Mmh. Et puis, c'est Daniel Pénac qui m'a donné l'autorisation, puisque dans son roman, comme un roman, il dit qu'on a le droit de balancer un livre qui ne nous plaît pas. Et il a raison, il y en a tellement à lire que quand on n'accroche pas, ben, c'est pas grave. Bah, surtout que lecture égale plaisir, logiquement. Absolument, si on force, ce n'est plus du plaisir. Plus un plaisir, c'est pas la peine. Non. Alors, ce jour, nous allons vous présenter trois livres. Le premier, le livre du jour, sera présenté par Jean-Pierre, qui a quand même réussi à trouver quelque chose dans ses lectures. Et il va nous parler du voisin. Ouais. On en a tous un. Et il faut se méfier, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je vous parlerai d'un gros coup de cœur. C'est le dernier Chalandon, qui est différent de ce qu'il écrit habituellement, mais que j'ai bien aimé, qui s'intitule « Une joie féroce ». Et nous retrouverons du côté des polars notre très chère Eliane, qui va présenter le journal de ma disparition. C'est pas mal, ça. Ah, c'est très très bien, vraiment. Alors, on va entretenir le suspense. Et puis, étant donné les circonstances, vous savez qu'aujourd'hui démarre le Festival de Loire à Orléans, et à 18h, juste après l'émission, vous pourrez vous précipiter. Et donc, d'un commun accord avec Jean-Pierre, nous avons choisi, lui, une programmation musicale de circonstances, et moi, pour notre plaisir... différentes citations liées à la marine. Mm-hmm. C'est le moment où jamais. J'ai trouvé des choses assez succulentes sur le web et donc nous pourrons partager. Et puis, comme habituellement, nous terminerons par quelques conseils de sortie. Mais donc, je vous propose d'aller immédiatement jeter un œil du côté du voisin en compagnie de Jean-Pierre et surtout de Tatiana de Ronet. Oui, c'est Tatiana de Ronet surtout. Oui. C'est elle qui avait eu un voisin comme ça, Tatiana de Ronet. Ah. Et que ça lui a donné l'idée de ce roman qui est paru en 2010. C'est quelque chose de pas très récent. Mais alors, c'est un roman qui a quelque chose de particulier, c'est qu'il a une fin qui est digne de ce qui précède. Ah. Et c'est pas si commun... pour s'autoriser à ne pas le souligner. Alors, Colombe, elle s'appelle Colombe, bon, comme ça. C'est une femme de 40 ans et elle est mariée à Stéphane. Ils ont des jumeaux d'une dizaine d'années, jumeaux qui se ressemblent en rien. Il y en a un qui est toujours avec sa maman, l'autre qui fait déjà une crise d'adolescence. Et Colombe, elle est grande, 1m80, 10 cm de plus que son mari. Elle est belle femme, Colombe, mais elle est si discrète qu'elle prend même l'habitude de se tenir un peu courbée pour ne pas faire de l'ombre à son époux. Hein, quelle femme! On ne la voit pas, Colombe, on ne la voit pas. C'est ainsi depuis sa naissance. Mais elle ne se plaint jamais. C'est donc qu'elle n'a pas de problème. Déjà, ses parents n'en avaient que pour sa sœur, la cadette, Claire, pétulante jusqu'à l'excès. Stéphane, le mari de Colombe, est quelque chose comme cadre, souvent en déplacement, très souvent en déplacement. Mm-hmm. Elle, Colombe, elle travaille à mi-temps dans une maison d'édition. C'est bien un salaire d'appoint pour une femme, qui cherche à s'occuper un peu quand les tâches ménagères ne suffisent pas. L'éditeur exploite Colombe jusqu'au trognon. Toujours plus d'exigences, sans augmentation de salaire. Mais pourquoi une augmentation de salaire? Puisque Colombe n'ose pas en demander. Colombe, elle est nègre. Vous avez compris. Mm-hmm. Elle écrit pour le compte de ceux qui font bien vendre. C'est elle la plume de celles et ceux qui péroreront sur les plateaux, ne se souvenant que mal de la page sur laquelle ils n'ont rien écrit. Colombe a trouvé un appartement dans un quartier beaucoup plus clair et calme, 120 mètres carrés, dans une belle avenue de Paris, pour 9000 francs par mois. On sait au moins que l'histoire se situe avant 2002. Sur les 50 prétendants, elle a gagné. Il y en avait plein l'escalier, des gens qui attendaient. Mais une femme aussi transparente ne peut être qu'une locataire idéale. Avant de s'engager définitivement, Colombe veut que Stéphane visite lui aussi l'appartement. Il est content, Stéphane, de l'appartement. Colombe veut qu'il fasse l'amour dans leur future chambre, en guise d'inauguration. Mais qu'est-ce qui te prend, Colombe? Tu prends désormais des initiatives? La petite famille emménage, les jumeaux se bagarrent, normalement, pour savoir quelle chambre chacun d'entre eux va prendre. Rien que du normal. Colombe est rayonnante, elle va pouvoir dormir dans cet appartement calme. Ce soir, d'ailleurs, Stéphane est en déplacement. Au milieu de la nuit, à 15, vers 3 heures du matin, elle est réveillée brutalement. Mick Jagger s'égosille sur la platine du voisin de dessus. Le docteur Fauque-le-Roi est apparemment un mélomane noctambule. Ça va se reproduire systématiquement quand Colombe est seule. La damnation sur Terre est en route. Quelque chose intervient parallèlement dans le travail de Colombe qui va précéder sa révolte. L'éditeur a décidé que Rebecca Moore, l'actrice en vogue qui a du talent fou dans ses mensurations, devait faire paraître un livre narrant ses conquêtes amoureuses. Colombe va devoir transcrire les galipettes facétieuses de la star à la première personne du singulier, mais l'imparfait du subjonctif ne sied pas forcément au genre. Et là, l'éditeur lui explique que, mais non, que Rebecca Moore ne s'exprime pas comme ça, personne ne va y croire, il faut que Colombe se secoue un peu, quitte à lire quelques romans érotiques, hein, voire pornographiques. C'est ce que Colombe va faire, et d'ailleurs, elle va y prendre goût. Elle entame sa révolution culturelle. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Ah, si, ça devient intéressant. Tatiana Droné a eu quelques prix littéraires, j'ai cherché ça, mais il me semble que ce sont des prix locaux. Mmh. Hein. Je ne pense pas qu'elle se soit vue attribuer quelques prix chocs qui jalonnent les rentrées littéraires. Je pense qu'il s'agit d'un oubli. Fanny, oui, enfin, les grands prix là dont on va parler. Mmh. Vous voulez peut-être un petit extrait? Ah oui, oui, s'il te plaît. Un extrait bon, chaud. Un extrait chaud. Pas forcément, mais un extrait. Parce que Tatiana Doronet, elle écrit bien quand même. Hein. Oui. Donc, Colombe a entendu la voix. Ça fait plusieurs nuits qu'elle entend Mick Jagger ou les autres qui... écrit, qui chante. Et comme elle parle l'anglais, qu'elle traduit bien, ses paroles ne sont pas innocentes. Hein. Ah. Il y a comme un petit message du voisin du dessus. Elle a une idée, Colombe. Elle dit, je vais me renseigner auprès des voisins, des voisines, notamment de cette madame Leblanc qui lui paraît bien sympathique. Cette dernière connaît tout l'immeuble. Elle pourra certainement lui en apprendre un peu plus sur le docteur Fauque-le-Roi. D'ailleurs, la concierge, elle, qui n'est pas madame Leblanc, la concierge a dit qu'elle aurait bien fait son 4 heures du docteur Fauque-le-Roi. Ouais, on peut la traiter de trouillarde, Colombe, mais elle ne manque pas d'imagination. Il suffit d'avoir tout à coup besoin de quelque chose pour que ça ne paraisse pas bizarre à madame Leblanc. Elle va lui dire qu'elle a besoin d'un citron, d'un œuf, un morceau de beurre, du sucre. Madame Leblanc est enchantée de cette visite impromptue, ça lui fait bien plaisir de dépanner sa voisine. Mais surtout que Colombe ne s'avise pas de lui rendre un autre citron. Elle n'a qu'à entrer prendre une petite tasse de thé. Assise dans l'appartement surchauffé et encombré de la sexagénaire, Colombe écoute patiemment sa voisine. Le Pékinois se prend d'affection pour ses mollets. Elle tente en vain de l'écarter sans pour autant vexer sa maîtresse. Le docteur Fauquelleroy, un homme charmant. Vous ne l'avez pas encore rencontré? On le voit peu, à vrai dire, il travaille beaucoup son âge, la trentaine et des poussières. Il est divorcé, ses enfants viennent parfois, pas souvent. Il vit seul, c'est un beau garçon, vous savez, elle en glousse. Encore une tasse de thé, Madame Barrault, une tranche de cake? Dans l'escalier, Colombe se sent soulagée, elle a dû entendre la musique d'un des enfants du docteur. Venu passer la nuit chez son père, les enfants n'habitent pas souvent là, donc le bruit ne va pas durer. Et si d'aventure ça durait, elle écrirait un mot gentil à son voisin, ce dernier parlerait à son fils ou sa fille et tout s'arrangerait. Le cœur léger, elle téléphone à sa sœur, lui raconte l'histoire, Claire s'en amuse. Enfin Coco, si ce type a dans les 35 ans, je vois mal comment il aurait des enfants qui écoutent les Stones. Pourquoi, fait Colombe piquée? Réfléchit une seconde, même s'il a eu des enfants très tôt. L'aîné doit avoir 15 ans au maximum, et le cadet l'âge des jumeaux. Mick Jagger n'a rien d'une idole pour des gamins de cette génération-là. À leurs yeux, c'est un papy. Colombe raccroche. Le rire de sa sœur résonne encore dans ses oreilles. Un poids pèse sur son estomac. La personne qui l'empêche de dormir depuis qu'elle vit ici, c'est le voisin du dessus, le docteur Fauquelleroy, personne d'autre. Et alors Eh bien, lisez. Je vous raconte en antenne, si vous voulez. Et oui, le livre du jour, c'est Le Voisin de Tatiana Deronet. Et franchement, Jean-Pierre, tu nous as donné envie d'en savoir plus. Oui, hein. Oui. Bon, moi, j'ai une voisine, donc... Ah, tu peux pas? Ben oui, d'un côté, c'est une voisine, de l'autre côté, c'est une voisine, donc ce sera pas aussi... coquin que ce que tu nous ah laisses. Ah, moi, si on voit ton mari, on voit la voisine. Ah ben non. Allez, lisez Le Voisin de Tatiana Deronet. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Au temps de la marine de Loire, il y avait le port en Orléans, où s'entremêlaient les amarres des salambardes ou des chalands. On les voyait de Saint-Rambert, de bois de charbon alourdi. On les croisait de Saint-Nazaire, chargés de sel, moins blanc que gris. On déchargeait grandes merveilles venant de Chine ou du Brésil. Sucre, café, bois de cannelle, leur parfum enivrait la ville. Que pavé sonnait, chantait, sous le fer des chevaux suants, et les galas couinaient, grassaient, contraints par des hommes grimaçants. Les vertes montaient avec audace, chargées de toiles et de cordages, le bout avant et la besace se chamaillaient. Dans leur couplage, on endormait l'arche bâtonnière. Dans les remous du pont royal, les badauds sur le quai Cipière guettaient la manœuvre fatale. Des cris et des jurons, un fût ses ventres, ses navrants, et la Loire, le vin de Chinon, mêlant leur fougue, deviennent amants. Là-bas, c'est un pêcheur d'alôme, rose au seuil de sa tour cabanée, qui veille comme on le suppose au frémissement de son filet. Là-bas au chemin de halage, sous leurs bricoles vont peinant hommes ou chevaux en attelage, rythmant leurs pas d'un souffle lent. À large bord, les mariniers dans les tavernes, parce qu'ils chantent, ils chantent encore, sûr qu'ils n'ont pas le guirouet en berne. Ce ne sont pas les Orléanaises qui se plaindraient de leur façon. Un corps noueux, un cœur de braise mettent le feu à leurs jupons. Alors sur les bateaux, la voile des étendards flotte au vent. Fierté des mariniers de la Loire, ce sont des langes de coton. Puis vint le temps de la machine, de la vapeur et du progrès. Moins nombreuses étaient les sapines, on y croisait plus les nantais. Déjà le bruit de l'automobile couvrait les jurons des charretiers, tandis que sur l'eau l'inexplosible tentait de sauver le métier. Adieu poterne et recouvrance, à vous oublier que l'Orléans, la loi vous garde sa confiance pour d'autres jours et en notre temps. Connerie. J'ai imaginé renoncer. La voiture était à l'arrêt, Brigitte au volant, Mélodie à sa droite, Assia et moi assis sur la banquette arrière. Je les aurais implorés. S'il vous plaît, on arrête là, on enlève nos lunettes ridicules, nos cheveux synthétiques. Toi, Assia, tu te libères de ton voile. On range nos armes de farce et attrape. On rentre à la maison. Tout aurait été simple, tranquille. Quatre femmes dans un véhicule mal garé qui reprendrait sa route après une halte sur le trottoir. Mais je n'ai rien dit. C'était trop tard. Et puis je voulais être là. Brusquement, Mélodie s'est redressée. Elle a enlevé ses lunettes noires. Brigitte venait de sortir une arme de la boîte à gants. « Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? T'es dingue !» a crié Assia. « Il en faut vraiment un, au cas où. » « Un vrai quoi ?» j'ai demandé. Assia s'est tassée sur son siège. Elle avait remonté le voile sur son nez et fermé les yeux. Elle a emporté un vrai flingue. Puis elle s'est dépliée lentement, main tendue par-dessus le dossier du siège. « Donne-le-moi, s'il te plaît. » Brigitte ne lui a pas répondu. Ses doigts tapotaient le volant. Assia était livide. « Tu es complètement timbrée. » Garée sur le trottoir, la voiture gênait les passants. Une mère et sa poussette, un vieil homme, des enfants. Un jeune à casquette a eu un geste mauvais. « Connasse !» Alors Brigitte a ouvert brutalement sa portière. « On y va !» Elle avait volé le véhicule la veille, dans un parking de Stein. « On ne laisse rien traîner !»« Complètement dingue !» a grincé Assia. J'ai remis ma perruque, Mélodie, ses gants. Lunettes ! Brigitte me regardait, j'ai sursauté. Mais tes lunettes, Jeanne ! Ah oui, pardon. J'ai respiré en grand, je tremblais. Mélodie est sortie, Assia l'a suivie. Elle a regardé Brigitte rester tête nue. Sa perruque et son masque étaient trop voyants pour la rue. Elle se déguiserait sous le porche. En attendant, Mélodie et elle jouaient les touristes. Assia affilée sur le trottoir, bouche mauvaise, regard animal, s'est retournée. Jeanne ? Je l'ai rejointe en trottinant. Nous nous sommes mises en marche en direction de la place Vendôme. Elle, vêtue de la longue robe noire des musulmanes, d'une veste à épaulettes et brandebourgs dorés, hijab bordeaux, gantée de soie, élégante, racée. Et moi, petite chose en tailleur strict, cheveux bruns au carré, lunettes de vue à double foyer, transportant un sac de course à la marque prestigieuse, pochette monogrammée coincée sous l'aisselle. Une princesse du golf et sa secrétaire, cœur battant, longeant les boutiques de luxe, les immeubles écrasants. « On est en train de faire une vraie connerie », m'a soufflé Assia. « Une vraie connerie », j'ai répondu. Ainsi commence le nouveau livre de Sorge Chalandon, intitulé « Une joie féroce ». C'est la première fois que ce grand reporter, habitué des guerres de toute la planète, c'est la première fois qu'il se penche sur l'univers féminin. Il endosse le personnage d'une femme pour nous parler de ce qui advient quand une femme, un peu comme celle qui était décrite dans le précédent livre « Le voisin », une femme banale, sans histoire, une belle femme qui a un mari. Ah bah tiens, le sien aussi, il est souvent absent et on se doute pourquoi. Il ne pense qu'à lui. Il s'appelle Matt et il travaille dans une boîte de com. Et alors vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment son boulot. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'il fait quand il est souvent absent. Alors, Jeanne, l'héroïne, le personnage principal, elle est libraire. Et tout le monde l'aime bien parce qu'elle écoute les uns les autres, elle conseille, elle est là. Elle est un peu transparente, oui, c'est vrai. Et puis, elle a une vie assez rangée, surtout qu'elle a perdu son fils à l'âge de 7 ans. Et donc, leur couple part un peu à volo depuis. Et Jeanne, donc, mène cette existence banale jusqu'au jour où son médecin lui apprend une mauvaise nouvelle. Les analyses sont mauvaises, elle est malade. Et donc, ça bouleverse complètement sa vie. Et ça la bouleverse d'autant plus que quand elle annonce la mauvaise nouvelle à son mari, il lui dit que c'est pas possible, qu'il va pas supporter l'idée de... qu'elle va suivre un long traitement, qu'elle va se transformer physiquement. Ah ben non, ça va pas être possible, il va pas supporter. Non, c'est... Voilà. Et son mari la plante là. Donc elle se retrouve toute seule à un moment où elle est particulièrement vulnérable. Tant pis, elle fait face. Hein. Et puis, elle va rencontrer d'autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle, et notamment Brigitte, la flamboyante. Et donc, en plus, Brigitte, c'est une ancienne taularde, hein, pour situer un peu le personnage, qui va la prendre en main, qui va lui dire « Attends, on va réagir, tu vas voir, tu es pas toute seule, je suis là. » Et puis, petit à petit, donc, elle se lie d'amitié avec Brigitte, elle rencontre Assia, qui est l'amie de Brigitte, et puis elle rencontre aussi l'étrange Mélodie, et donc avec ces trois amies, finalement elles vont former un quatuor de femmes qui se soutiennent les unes les autres, et d'ailleurs Jeanne va aller emménager chez Brigitte et Assia, et alors là tout va basculer parce que au lieu de se résigner, Jeanne, elle va entrer en résistance. Et elle, qui n'était que murmure, que sourire, elle va se dresser, toute griffe dehors, elle va devenir une véritable furie, elle va conquérir sa liberté, et elle va devenir une insoumise, et elle va accepter le projet fou qui lui est proposé par ses nouvelles amies de faire un braquage. Pourquoi elles vont faire un braquage? Eh bien, parce que Mélodie, la mystérieuse, en fait, son compagnon lui a volé sa fille, leur enfant, et il est parti s'installer en Russie. Et elle, elle veut récupérer son enfant, mais pour ça, elle doit payer une sorte de rançon. Et elle n'a pas un sou. Bah, les copines, elles font le projet fou d'aller braquer une bijouterie Place Vendôme. Pas qu'à faire. Pour réunir cette somme d'argent. Alors, elles vont aller en repérage, elles vont se renseigner, enfin, bon, elles vont monter le truc. Et donc, l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, qui est au début du livre, eh ben, c'est ce moment juste avant le braquage. Et là, franchement, on comprend cette joie féroce, parce que ces filles qui devraient être dans la peine, dans le chagrin, bon, c'est pas facile de vivre ce genre de situation, eh bien, elles ont sublimé le truc, et puis, vas-y, machin, on va aller faire un braquage. Et elles vont le faire avec une détermination incroyable. Alors, c'est un livre qui a été accueilli différemment, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est la première fois que Sorge Chalandon s'intéresse à un univers très féminin. Alors, la genèse de ce livre, c'est que sa femme s'est retrouvée à vivre cette situation de maladie, que 15 jours après, il a appris que lui aussi avait la même maladie. Et donc, ils ont vécu cette période ensemble et ils se sont battus ensemble. Et ça lui a donné c'est l'envie d'écrire ce livre où ces femmes qui sont abandonnées en quelque sorte de tous, se lient ensemble et vont réagir et finalement trouver une sorte de liberté dans l'insoumission, dans l'interdit. Bon, c'est un peu outré comme situation, mais c'est un petit côté jouissif malgré tout. En plus, il y a une très belle écriture, comme habituellement chez Chalandon, donc on ne s'ennuie pas. Même si les situations sont en effet un peu abracadabrantesques, mais c'est jouissif. Donc, moi, franchement, je vous recommande la lecture de cette joie féroce. C'est un roman qui est complètement imprégné de colère, mais qui est un véritable hommage au courage des femmes. Et on voit que parfois la maladie, ça peut aider à se sentir vraiment vivante. Bon, alors, évidemment, Jean-Pierre, si tu lis ça, tu vas voir que les hommes, ils n'ont pas la partie belle. Hein. Tous les hommes dans ce roman sont des lâches, des indifférents. Lire, mais si, parce que toi qui aimes les femmes à forte personnalité, hein, les belles femmes, etc., tu verras que là, les quatre sont à la hauteur. Beaucoup, hein. Chacune, chacune à sa façon, tient son rang, son personnage. Et on ne s'ennuie pas, ça se lit, mais d'une traite. Bon. Une joie féroce de Sorge Chalandon. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Du long fleuve de France, navigue gabas et filtres, qui demandent à la recouvrance des fiers la colère des eaux. Mais quand après bien des souffrances, il débattrait en Orléans, venait le temps des réjouissances pour tous les gars du bord de l'eau. Bienvenue au port d'Orléans, héros, héros, héros, chante mariniers et matelots. de l'arbre couvre les eaux. Cette fleur alignée sur la loi s'est macérée dans le courant. Est appelée forêt de Loire, qui ouvre fort entièrement au vent. Eh oh, eh oh, bienvenue au port d'Orléans. Eh oh, eh oh, eh oh, chante mariniers et matelots. De pain, sous la taverne de la femme d'or, mariniers chalandiers et marins chantent la fin de leurs efforts. On y voit du vin de Touraine, du grimetier orléanais, en rêvant des îles lointaines où les filles de pays en paix. Le temps de la remonte, le temps de la marine à voile, tous les souvenirs qu'on vous compte vont chanter le fleuve royal. Mais pour faire vivre l'histoire, il y a les compagnons chalandiers qui, en naviguant sur la Loire, vous invitent à la partager. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui ? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. C'est monstrueux. Côté polar. Eliane, oui. Alors, tu nous as sélectionné pour ce côté polar. Un polar venu du Nord. Suède. Du Nord, oui. Donc Suède. Écrit par Camilla Grebe. Ou Grebe. Oui, moi je pense que Grebe, c'est bien. Ah oui, ça c'est fait bien, ça fait suédois. Oui, ça fait suédois. Oui, oui. Oui. Et donc, c'est le journal d'une disparition. De ma disparition. Heureusement que tu es encore là, toi. De ma disparition. Oui, ce roman suédois, il tient vraiment toutes ses promesses. Hein. C'est un polar réussi, une lecture qu'on n'arrête pas facilement parce qu'on veut vraiment, vraiment savoir la suite. Cela commence il y a 8 ans. La jeune Maline, ça s'écrit comme Malin, mais je pense que ça se prononce Maline, une adolescente, n'est-ce pas, fait une drôle de découverte. Je vous dis tout de suite, vous allez voir le contexte dans lequel elle va faire cette découverte. Ce soir-là, j'ai traversé les bois agrippés au bras de Kenny. Ce n'était pas par peur, bien sûr. Je ne croyais pas aux fantômes, à la différence de beaucoup d'autres. Comme la mère de Kenny, par exemple, qui passait son temps devant son téléviseur à regarder des médiums de pacotille fouiller de vieilles demeures soi-disant hantées, en quête d'esprits inexistants. Pourtant, à Ormberg, c'est le nom de leur village, qui pouvait se targuer de n'avoir jamais entendu des vagissements de nourrissons près du monticule de pierre ? Cette sorte de plainte mélancolique et interminable, le cri de l'enfant fantôme. Alors, même si je n'accordais aucun crédit aux revenants et aux inepties de cette nature, je préférais jouer la prudence. Je ne venais jamais seul, une fois la nuit tombée. J'ai levé les yeux vers la cime fuselée des sapins. Ils étaient si hauts qu'on entrevoyait à peine le ciel et la lune blafarde, ronde comme un ballon. Et pourtant, elle va faire ce jour-là une drôle de découverte. Elle est avec son amoureux Kenny, parce que vraiment Kenny et elle, ça ne peut que fonctionner. Et son copain Anders. Et alors, je vous lis quand ça va lui arriver. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être n'avais-je pas envie de retourner auprès d'eux, mais quelque chose m'a poussé à vouloir observer de plus près cette espèce de champignon que je venais de voir. D'ailleurs, a-t-on déjà vu de tels champignons en cette saison, au plus profond de la forêt ? Je n'ai jamais cueilli ici que des chanterelles. J'ai approché le briquet de la crevasse. La clarté de la flamme révélait plus nettement les contours de l'objet. J'ai déplacé quelques feuilles, arraché les racines d'une minuscule fougère. Oui, il y avait bien quelque chose. Toujours accroupi, le jean sur les chevilles, j'ai introduit ma main libre dans la faille pour palper la surface blanche et polie. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle est en train de faire pipi. Elle était dure, cette surface, comme un galet ou de la porcelaine. Peut-être un vieux bol. En tout cas, pas un champignon. J'ai tendu le bras pour déloger la pierre qui bloquait l'objet. En dépit de sa petite taille et de sa légèreté, elle a atterri avec un bruit sourd sur le tapis végétal à côté de moi. Ce que je prenais pour un récipient était là, mis à nu, de la taille d'un pamplemousse, ébréché et couvert d'une sorte de mousse filamenteuse et brunâtre. J'ai roulé quelques fils entre le pouce et l'index et tout à coup, j'ai compris. Le briquet m'est tombé des mains. Titubant dans l'obscurité, j'ai poussé un hurlement qui provenait du plus profond de mes entrailles et ne semblait jamais devoir prendre fin. Comme si la terreur chassait de mes poumons tous les atomes d'oxygène de mon corps. Lorsque Kenny et Anders sont arrivés à la rescousse, mon pantalon demeurait baissé et ma poitrine avait donné un cri, une nouvelle vie. Ce n'était pas un bol, ni de la mousse. C'était un crâne avec de longs cheveux bruns. Donc cette découverte, c'était donc il y a 8 ans. Et 8 ans plus tard, on fait la connaissance de Jake. Jake, il veut qu'on l'appelle comme ça, n'est-ce pas ? Sa maman est morte d'un cancer. Il vit avec son père et sa sœur, Melinda. Il aime par-dessus tout ce jeune garçon, cet adolescent, s'habiller avec les robes de sa maman, prendre son maquillage, le maquillage de sa sœur. Ce soir-là, il a mis une robe à paillettes, des talons. Et alors ? Je vous lis quelque chose là, si je trouve. À quelques mètres de la route, je m'arrête. Je ferme les yeux, tente de savourer pleinement l'instant, car je sais que je dois rentrer sous peu. Regagner le pavillon le plus élégant d'Amberg, retrouver le grand écran, le fauteuil massant et ma chambre criblée d'affiches de cinéma. Rejoindre le frigidaire bourré de plats préparés avec sa machine à glaçons intégrée, qui ne fonctionne que si on lui décoche quelques grands coups de poing. Redevenir Jack qui n'a ni robe, ni soutien-gorge, ni talons. Des gouttes d'eau glacée tombent dans mes cheveux, coulent le long de mon cou, entre mes omoplates. Je frissonne. Pourtant, la météo n'était pas si mauvaise. Hier, c'était bien pire. Le vent était si violent qu'il aurait pu arracher la toiture. Un craquement sourd m'extirpe de mes pensées. Qu'est-ce ? Un chevreuil ? Possible. Un jour, mon père est revenu avec une bête entière. Mais là, non, c'était pas du tout. C'était une femme. Quelques instants plus tard, une femme se matérialise, pardon, entre les arbres. Âgée, elle se traîne non sans peine à quatre pattes, les cheveux mouillés, collés à ses tempes, le fin chemisier et le jean déchiqueté et détrempé. Elle est pieds nus, sans manteau, et ses bras sont maculés de sang et de crasse. Au secours ! Alors sa voix est si ténue, mais lui, il ne peut pas l'aider, habillé comme il est. Alors, il la laisse, heureusement. « Qui êtes-vous ? » lui dis-je. Elle lui dit seulement son nom. « Je m'appelle Anne. » Au bout de quelques instants, sa voix est plus forte que tout à l'heure, mais quand son regard rencontre le mien, il me semble qu'elle s'efforce de sourire. « N'ayez crainte, je ne vous ferai pas de mal. » Mais il peut pas, il veut lui demander plein de choses, mais habillé comme il est, donc elle va courir, elle va faire, une voiture va s'arrêter. J'avance jusqu'à la route d'un noir luisant qui serpente à travers le bois. On n'entend plus rien d'autre que le crépitement de la pluie. La vieille femme, Anne, a disparu. Mais sur l'accotement ruisselant, gît un objet, un carnet à couverture marron. Donc ça, c'est lorsqu'on parle de Jack, parce que ce livre, il est construit comme ça. Un chapitre, c'est Maline. Le chapitre d'après, c'est Jack. Parce que ce qu'il va trouver, Jack, c'est très intéressant. Donc Maline est entrée dans la police. Anne et Peter Landgren font partie de l'équipe pour qu'ils se penchent à nouveau sur ce meurtre de la petite, de la jeune fille de Homberg, celle dont Maline avait trouvé le crâne. Anne et Peter ont disparu. À l'hôpital où a été emmené Anne par la voiture, Maline et Manfred, son chef, vont l'interroger. Anne, elle, ne se souvient de rien. Jack va lire le carnet de Anne. Elle écrit tout parce que sa mémoire s'en va lentement, mais inexorablement. Et alors, quand il va lire ça, ça va le fasciner, ça va vraiment le fasciner. Femme de 60 ans, cognitivement intacte, cherche homme sportif pour soirée cocooning et longue balade en forêt. Elle écrit ça. Parce que Peter et elle, c'est le grand amour, même si physiquement elle est un peu vieille et diminuée. L'homme, il lui dit qu'il l'aime. « Je n'ai aucun doute pour la suite des événements. Mon état se dégradera et P, elle l'appelle P, avec un point, ne pourra plus m'épauler, ne voudra plus de moi. Non, je ne peux rien lui dire. Il ne doit rien savoir. » Et Laure, elle écrit plein de choses. Et Jacques est vraiment fasciné par cette histoire de cette femme. Donc Jacques, il est dans ce livre, il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne veut pas en parler à la police. Maline, quand elle a voulu enquêter, lorsque Hanne a été prise, elle est revenue sur les lieux où elle a été trouvée, et elle a trouvé une petite paillette dorée. Mais bon, qu'est-ce que ça peut être que ça ? Jack, lui, il a une grande amie qui s'appelle Saga, c'est sa seule amie. Et Jack, il est très solitaire, mais quand il rencontre des choses qu'il ne comprend pas, il cherche sur Google ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui sera certainement très bien en vieillissant. Quelques jours plus tard, un crime est commis, on a trouvé un cadavre au même endroit, là où Maline avait trouvé la petite fille, et toujours Peter qui est introuvable. Et le journal de Hanne qui est de plus en plus fascinant. Et l'enquête qui avance avec difficulté. Puis aussi, dans ce village, il y a quelques émigrés. Et puis en tout cas, cette enquête est compliquée, mais très intéressante. Lisez ce livre. Vous voulez avoir la fin de l'histoire. En tout cas, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Parce que le journal de Hanne est plein, plein d'humanité. Le journal de ma disparition de Camilla Graeber. Recommandé par Eliane. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis né au fond du tout cabané, le long du quai Saint-Pierre. Voilà un gars qui sera marinier, a déclaré mon père. Mais quand sur le quai il m'a vu pleurer, il m'a dit pour me consoler, tu seras marinier d'Orléans, tu seras que sur la terre, mais seigneur sur l'eau, marinier de loin toujours beau, tu seras marinier d'Orléans. Malgré les colons auprès du poêle à bois, je regarde la loi. Institut du doigt, ma belle au tableau noir. Un homme comme toi sera mendiant dans 20 ans. Je lui ai répondu fièrement, je serai marinier d'Orléans. Je serai gueux sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je serai marinier d'Orléans. Sur une frégate enrôlée comme matelot, je fais mon temps de service. Le capitaine me traite de chier dans l'eau pendant que je tire les drisses. Et quand mon temps a été accompli, au garde à vous je lui ai dit, je suis marinier d'Orléans. Je suis gueux sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans. Attablé à l'auberge de l'Espagnon, je trinque à la marine. Trois mariniers du canal sont au fond, qui tirent mauvaise mine. Bien qu'on ne veut pas d'arcanier ici, j'attrape par le collet juillet. Je suis marinier d'Orléans, je suis que sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans. Sur la terre, on essaye sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans. Le jour de Pâques, je mets ma plus belle chemise et ma culotte d'Anquin. On veut trouver le père de ma promise pour lui demander ça. Il me demande quel est donc ton métier. Fièrement je lui ai déclaré, je suis marinier d'Orléans. Je suis que sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans. Quand j'aurai filé mon cap par le bout et j'irai voir Saint-Pierre, je lui dirai de tirer le verrou sans faire plus de manière. Et si jamais il me pose des questions, je lui répondrai sans plus façon. Je suis marinier d'Orléans, je n'ai que sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans, je n'ai que sur la terre, mais seigneur sur l'eau. Marinier de Loire toujours beau, je suis marinier d'Orléans. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Eh bien, pour votre plaisir, je me suis laissée inspirer par un événement qui démarre aujourd'hui à Orléans, à savoir le Festival de Loire. Et c'est vrai que le vocabulaire lié à la marine à voile, a laissé de nombreuses expressions dans le langage courant. Et que de nombreuses citations peuvent être trouvées sur la marine. Et donc j'ai glané quelques petites citations que je vous livre. Par exemple, on pourrait commencer par Napoléon qui proposait au corsaire Surcouf le commandement des forces navales françaises. Mais ce dernier refuse qu'on ne lui accorde pas l'indépendance de manœuvre totale qu'il réclame. Et Napoléon lui dit, mais enfin, je ferai de vous un homme riche. Et Surcouf lui répond, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mon cabinet est tapis de lingots d'or. Alors Napoléon, totalement offusqué, comment vous me marchez sur la face? Les lingots d'or avaient été à l'effigie de Napoléon. Et Surcouf l'a rassuré, non monsieur, je les ai disposés sur la tranche. Alors Sénèque lui disait que lorsqu'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est le bon. Alors, toujours en échange avec Surcouf, c'est le capitaine d'un bâtiment de la Royal Navy qui s'adresse à Surcouf et qui lui dit « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf de répliquer « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Il paraît que pour savoir prier, il faut avoir été marin. Et ça, je veux bien le croire. C'est Long John Silver qui le dit. Il n'y a en effet qu'un pas du corsaire au pirate. Tous deux combattent pour l'amour du butin. Seulement le dernier est le plus brave, c'est-à-dire le pirate, parce qu'il affronte à la fois l'ennemi et le gibet. Ah oui. Il nous dénigre, les escrocs nous dénigrent, alors qu'il n'y a qu'une différence. Ils volent les pauvres sous couvert de la loi, les escrocs, alors que nous, les pirates, nous volons les riches sous la seule protection de notre courage. Proverbe grec, celui qui pille avec un petit vaisseau se nomme pirate. Celui qui pille avec un grand navire s'appelle conquérant. Eh oui. Alors c'est Épictète qui disait « Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. » Un proverbe français aussi que je trouve intéressant. « Un navire brisé, tout vent son contraire. » Léonard de Vinci disait, lui, « Nul conseil n'est plus loyal » que celui qui se donne sur un navire en péril. Sauf qu'il peut. Proverbe chinois. Quand il y a 7 timoniers sur 8 marins, le navire sombre. On devrait en tirer les conséquences. Aristophane, lui, disait « Il faut être rameur avant de tenir le gouvernail, avoir gardé la proue et observé les vents avant de gouverner soi-même le navire. » Ça aussi, c'est plein de bon sens. Alors, Fyodor Dostoïevski lui disait que quand le navire doit sombrer, les rats sont les premiers à le quitter. C'est sûr. Claude Lelouch, lui, dit qu'avec un bateau, il y a 2 moments de bonheur. Le jour où on l'achète et le jour où on le revend. Proverbe suédois, quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine. Proverbe italien, une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver. C'est vrai. Marcel Pagnol lui disait, si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Alors, une citation que j'aime beaucoup, enfin, je trouve qu'elle est très poétique. L'eau que tu bois a connu la mer. Mm-hmm. C'est beau ça. Proverbe anglais, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Et c'est Chateaubriand qui disait que lorsqu'on regarde sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu. Bouddha, lui, dit qu'il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a d'eau dans l'océan. Mmh. Il paraît qu'il ne faut pas chercher dans l'océan ce que l'on peut trouver dans une goutte d'eau. Et il semblerait qu'il existe sur terre 3 sortes d'êtres, les vivants et les marins. Et pour terminer par une touche féminine, un proverbe français, femme de marin, femme de chagrin. Mmh. Orléans, ton festival, mets dehors toutes les voiles. Orléans, ton festival, mets toutes les voiles dehors. Du fort à l'aume au Châtelet, c'est la fête des mariniers. Du fort à l'aume au Châtelet, c'est la fête des mariniers. On mange, on boit, on chante, on rit. Dieu que la Loire est jolie. Elle perce doucement ses bateaux, les goules et tous les futraux. Si vous voulez naviguer sur la Loire, les mariniers vous promènent en gabarre. Orléans, ton festival, mets dehors toutes les voiles. Orléans, ton festival, mets toutes les voiles dehors. Tout en grattant sur nos guitares, on chante à plein poumon la Loire. Tout en grattant sur nos guitares, on chante à plein poumon la Loire. Quand la nuit tombe, il fait bien froid, on se réchauffe au coteau du Génois. De l'Italie à la Dordogne, des Pays-Bas à la Pologne, Dracar, Condole, Moliceo, on adore tout ce qui flotte sur l'eau. Orléans, ton festival, mets dehors toutes les voiles. Orléans, ton festival, mets toutes les voiles dehors. Dans la nuit surgissent mille feux, pour sur on en a plein les yeux. Dans la nuit surgissent mille feux, pour sur on en a plein les yeux. Les étoiles explosent par centaines, dessus les grands voiles de misaine. Au crépuscule, les mâts de lune. Alors, jusqu'au 22 septembre, à partir d'aujourd'hui, c'est le Festival de Loire, le plus grand rassemblement de la marine fluviale. The biggest gathering yes, of river with going English. Vessels. With English. Et pourquoi je le dis en anglais? Eh bien, tout simplement parce que l'invité d'honneur de cette 9e édition, c'est l'Angleterre avec sa Tamise et ses canaux. Jeanne d'Arc, elle va être contente. Hein. Ah oui, peut-être il va y avoir des règlements de compte. Oh, oui. Mais il y a aussi en invité des régions, les canaux de Flandre et d'Artois. Alors, je ne vous raconte pas, si je vous raconte quand même un petit peu. Donc, il y aura, que ce soit sur le quai du Roi, sur le quai du Foralôme, quai du Châtelet, sur le, à travers le pont Georges V, etc. Il y aura des tas de choses fort intéressantes. Il y aura le village des mariniers de Loire. Bon, avec des choses, des recettes, enfin des ateliers culinaires. Il y aura des ateliers de savoir-faire. Il y aura des expositions avec des maquettes de bateaux. Il y aura des jeux. Il y aura donc le village des fleuves et rivières de France, le village sur le canal d'Orléans, le village de la Tamise et de ses canaux, les canaux de Flandre et d'Artois. Et puis, trois pays qui ont beaucoup aimé être présents sur le festival les années antérieures reviennent. Les Pays-Bas avec le fumage de hareng, l'Italie avec ses bateaux de pêche de haute Adriatique, la Pologne avec son stand de bateaux traditionnels. Et puis alors, je ne vous raconte pas parce que la programmation, elle est absolument formidable. Hein. Il y a différents sites, il y a différentes manifestations, des spectacles, des concerts, des animations, des ateliers, des balades, enfin, de tout. Le plus simple, si vous n'avez pas sous la main le programme complet, il y en a quand même un certain nombre de pages, une quarantaine de pages, eh bien, c'est de vous connectez au site de la métropole et vous saurez tout ce qui est prévu jusqu'au 22 septembre. C'est un grand événement. Et d'ailleurs, pour la circonstance, notre ami Jean-Pierre sera sur son bateau. Non, nous a fait écouter mais oui, alors des musiques adaptées à la circonstance. Mais oui, et elles sont toutes sorties d'un petit CD qui a été édité. C'est une sorte de compilation qui a été faite pour ce festival. Et moi, je l'ai eu dimanche dernier à Combleu pour la fête du Loiret au fil de l'eau, tu sais. Et donc, il était en vente, c'est 5 euros. Et il y a 6 jolis titres dessus, qui sont des titres qui ont été enregistrés par 3 groupes que l'on connaît bien, Babor Tribord, Les Copains de Sabord, et puis nos amis de Gien, Fils Garlan. Je me permets, je voudrais bien, Irène, citer les 3 auteurs-compositeurs qui sont intervenus, parce qu'on les chants de marins, on croit que mais il faut les faire, et ceux-ci sont vraiment très beaux. Alors, ils ont été, par les musiques composées par Dan Graal, par Jean-Paul Crigny et par Monique Le Dantec. Alors, je voulais les citer, c'est vraiment bien. Alors, Je suppose qu'on pourra trouver le CD les fêtes de Loire. Voilà, et puis pour nos amis de l'émission La vie comme elle va, les pochettes sont sur le titre, bien sûr pas les musiques, mais les pochettes. Les musiques, vous pourrez les réécouter parce que je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir mettre l'émission, donc vous pourrez les réentendre. Et puis tu parlais du site du festival, il est en clic sur notre... Il y a deux liens, un au début des pages et un en fin donc, de ne page. Vous embêtez pas à aller sur le site de la Métropole. Allez sur le site de Radio Essentiel. Voilà. C'est bien plus simple. Alors quand même, quelques conseils de sortie. Jeudi, c'est-à-dire demain, 19 septembre, à 19h30, au Théâtre de la Tête Noire à Saran, il y aura une présentation de la saison suivie à 21h par Little Box Song, un quatuor qui reprend les tubes des années 40, vous savez, les Andrew Sisters. Et donc, si vous êtes intéressé à savoir quelle sera la programmation de la Tête Noire, c'est demain à 19h30. Et puis, les 21 et 22 septembre, je vous rappelle que ce sont les journées du patrimoine et qu'il y aura donc beaucoup de sites habituellement inaccessibles que l'on pourra visiter. Du lundi 23 au vendredi 27 septembre à 20h30, donc tous les soirs, vous pourrez assister au Campo Santo, au Dur Désir de Durer, un spectacle qui est proposé par le théâtre Dromeschko. Donc c'est un univers fantasque et enchanteur, avec de la danse, du théâtre, de la musique. Ils étaient déjà venus l'année dernière en juin et ils avaient été très appréciés, et donc c'est la raison pour laquelle le théâtre d'Orléans les a réinvités cette année. Donc au Campo Santo, et donc le Festival de Loire jusqu'au 22 septembre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On a un peu débordé, mais c'est vrai que Violette, aujourd'hui, elle est sur le Festival de Loire. Elle prépare les émissions futures. D'accord. Voilà, d'accord. Sur le Festival de Loire. Donc, il me reste à vous saluer, à vous souhaiter une excellente semaine. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Vous allez être bien occupés, de quoi faire et de quoi lire. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission, La vie comme elle va. Au revoir. Au revoir. Bon festival. Bye bye. Je suis tombé la gamarre en passant le pont de Gien. J'ai mouillé dans la Loire mon excédent de vin. J'ai mouillé dans la Loire mon excédent de vin. Le manche de ma guitare bien serré dans ma main. Dans le lit de la Loire, depuis je me sens bien. Dans le lit de la Loire, depuis je me sens bien. Ohé matelot, il n'y a pas de l'eau qui coule sous les ponts. Ohé matelot, il y a des tonneaux arrivés sur ton pont. Entre la Loire et moi, c'est une histoire d'amour. Si souvent je m'en vas, je lui reviens toujours. Si souvent je m'en vas, je lui reviens toujours. J'aime le son de sa voix, j'adore ses contours. Quand elle gronde parfois et déborde alentour. Quand elle gronde parfois et déborde alentour. Ohé matelot, il n'y a pas de l'eau qui coule sous les ponts. Ohé matelot, il y a des tonneaux arrivés sur ton pont. Marinier au revoir, emporte dans tes yeux les couleurs de la Loire, la lumière des yeux. Les couleurs de la Loire, la lumière des lieux. Va à ta gabarre pleine des nouvelles vendanges. Du Génois en Touraine, surveillé par les anges. Du Génois en Touraine, surveillé par les anges. marinier sur la Loire navigue doucement. Dans ces brumes du soir, dans ces cheveux d'argent, dans ces brumes du soir, dans ces cheveux d'argent. Le ventre de ta cabare collé dans le courant. Une main sur la biotre, une autre dans le vent. Une main sur la biotre, une autre dans le vent. Ohé matelot, y a pas de l'eau qui coule sous les ponts. Ohé matelot, y a des tonneaux arrivés sur ton pont. Fut trop navigue bien dans le courant de face. Près du château de Gien, le musée de la chasse. Près du château de Gien, le musée de la chasse. Vent de travers sous voile, ajustez les coulines. Quand viendront les étoiles, la nuit sera câline. Quand viendront les étoiles, la nuit sera câline. Ohé matelot, y a pas de l'eau qui coule sous les ponts. Ohé matelot, y a des tonneaux arrivés sur ton pont. Ohé matelot, y a pas de l'eau qui coule sous les ponts. Ohé matelot. Tombé de la cabane en passant le pont Gien. J'ai mouillé dans la Loire, mon essai dans le vin. J'ai mouillé dans la Loire, mon essai dans le vin. La tarde de sol, de sol limpo, sol limpo também em Berlim. Na Alemanha com 16 graus, depois em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, ainda a começar o dia. Na Califórnia são 9 e 13, bom dia, com o céu parcialmente nublado. Depois já, mais tarde, já na noite, em Goa, na Índia, 27 graus, com noite nublada. Este é o fim de tarde da RDP Internacional, com João Pedro Bandeira, até às 8.